Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذه الدروس مع إخواننا الأفاضل فنحمد الله pour cette ni'mah, cet énorme bienfait, هذه الدروس في أعظم الأبواب, باب العقيدة, dans le chapitre le plus important, la croyance des salafs. Et comme la yakhfa alaykum, et on a souvent répété ce genre de conseil, lakin al-dhikra tanfa' al-mu'minin, anna hadha al-ilm, c'est une ni'ma azima, c'est un énorme bienfait pour l'abd. Aïe, le fait d'aimer la science du Qur'an et de la sunna, le fait de faire des efforts pour connaître son din. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation pour chaque muslim, hada khasatan ses bases. Lianna Allah jalla wa ala qala wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Wa la shakka anna al ibada, l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour cela. Et il n'y a aucun doute que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut du ilm. Il y en a, cette adoration, elle aura des conditions, elle aura une kayfiyya, une description, comment la faire. Peut-être que des choses, si le musulman il les fait, ça annule cette adoration. Fala bud min ilm. Kama qala jalla wa ala fa'alam annahu la ilaha illallah. T'amman le verset, fa'alam. Avant d'avoir cité Azza wa Jal, l'adoration la plus importante, le témoignage le plus bénéfique, ash-shahadatu bi wahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala, qala subhana fa'alam. Hada, c'est une obligation pour al-jami'. Et hada al-ilm, khasatan ilm al-aqida wa al-tawhid, c'est min a'azam asbab al-falah wal-fawz fi dunya wal-akhirah. C'est la cause la plus importante pour que l'insan y soit heureux, pour que l'insan y réussisse, pour que l'insan il avance, que ce soit fi dinih ou dunya. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna fi al-jasad mudra. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Dans le corps, il y a un membre, mudra, un bout de chair, un morceau de chair. إذا صلح فبدن الإنسان سيصلح كله. Et الصلاح, c'est من أعظم أسباب الفوز والنجاح. As-salah, c'est qu'une chose soit bonne, qu'une chose soit, ça va impliquer qu'elle soit acceptée عند الله سبحانه وتعالى. فلابد من إصلاح هذا القلب. Et ce قلب, tu ne pourras pas le purifier avec de l'eau ou avec un matériel quelconque ou avec un produit. أبداً. C'est qu'en apprenant هذا المعتقد الصحيح, en faisant des efforts pour apprendre cette croyance, en faisant des efforts bien sûr pour mettre en application. Wa on vit à une époque an al-inhiraf intashar, et l'égarement il s'est beaucoup propagé à notre époque, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans les adorations, que ça soit dans les intentions, que ça soit dans le comportement, que ça soit fil mu'amala, le comportement avec les autres. Inhirafun كثير. Et pour s'écarter de هذا الانحراف كذلك, la plus grande cause, Bien sûr, ba'da tawfiq Allah azza wa jall, c'est d'apprendre son din. Comme qala subhana fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Et celui qui a le même iman que ceux qui étaient avant nous, min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal anbiya wal rusul qabla dhalik alayhim as-salatu was-salam, fala shak annahu sera guidé. La tadhurruhu al-fitan. بإذن الله عز وجل يسوغا بخيزغفي لماذا؟ لأنه إلا فين كوز عظيمة ملك الأعضاء كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أن هذا القلب إلى بمنزلة الملك إلى بمنزلة الملك أي سي لو روا دو تون كور. لا شك أن الانحراف أولا سا كومونس بار لو كور. فإذا انحرف القلب les membres ils suivent. Tu prends n'importe quelle ma'asiyah ou n'importe quelle mukhalafa, imma c'est à cause d'une shubha, imma à cause d'une shahwa, imma une ambiguïté, une shubha, une incompréhension ou iltibas ou dhalal, inhiraf mubin qui rentre dans le cœur, et l'insan iyadan billah il a des doutes, des ambiguïtés dans son din ou shahwa qui rentre dans le cœur, une passion, iyadam billah, qui va le pousser à faire des ma'asi. On a cité hadha limada pour montrer, anna, pour se préserver, il faut préserver ton cœur, awwalan. Si ton cœur il est solide, ton cœur il est fort, si ton cœur il est rempli de iman et de ma'rifah et de ilm, et connaître cette croyance, bi idhnillahi azza wa jal, tu arriveras à faire beaucoup de choses. Que celui qui n'a pas cette croyance ou qui a des faiblesses dans cette croyance n'arrivera pas. Et kadhalik, tu arriveras à t'écarter de beaucoup de choses que d'autres n'arriveront pas. À la principale cause, c'est hadha al-mu'taqad as-sahih. Et ça ne doit pas être qu'une kalima avec la langue hadha. Il y en a beaucoup de gens yaqulun hadha. L'essentiel c'est tawhid, l'essentiel c'est l'aqidah. Beaucoup on le dit hadha avec nos langues. Lakin hadha, il faut l'appliquer. Ça ne s'applique pas un jour, en une semaine, en lisant un livre, en étudiant une risala. Là, ça doit être toute notre vie. Et ta'ammal ma fa'alahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le début de la révélation, et il a éduqué ses compagnons radiyallahu anhum ala hadha. Hatta al-fara'id al-azima comme as-salat wa الزكاة والصيام والحج أركان الإسلام ça a été révélé et l'obligation des années après الصلاة avant الهجرة et les autres أركان après الهجرة. Et تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم il est resté une dizaine d'années à Mecca. Une dizaine d'années, il appelait à quoi عليه الصلاة والسلام? الصلاة elle était pas encore obligatoire au départ, des années. الزكاة elle était pas obligatoire. As-siyam, il n'était pas obligatoire. Al-hajj, il n'était pas obligatoire. Al-jihad, il n'était pas obligatoire. Comme une ibadat, elles n'étaient pas obligatoires. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toutes ses forces et sa da'wa, elle était basée sur islahu hadha al-qalb, avec hadhihi al-aqida al-sahiha, avec hadha al-tawhid al-azim. Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Il y a beaucoup d'adila qu'on a cité ensemble dans nos durus précédents. Fal-inaya bihadha. Al-inaya, hifdhan, on fait des efforts, fait le hifdh. L'anna, al-hifdh, ça reste dans le cœur. Tu apprends un matn, mukhtasar, hatta tu connais l'épreuve par cœur, dans ton cœur, ça te servira, bi idhnillahi azza wa jal. Kadhalik, on fait des efforts dans l'apprentissage. Kadhalik, dans la lecture. Kadhalik, dans al-da'wa, notre da'wa doit être fondée sur hadha, que ce soit avec nos proches ou autres. كذلك هذا المعتقد الصحيح il va te permettre بإذن الله عز وجل de différencier entre الحق et الباطل, entre أهل الحق et أهل الباطل. ما من منحرف, chaque groupe égaré, ils se sont égarés في هذا الباب, que ce soit الجهمية, que ce soit المعتزلة, que ce soit الرافضة, que ce soit الصوفية, que ce soit les sectes contemporaines, الإخوان أو التبليغ أو الأشاعرة أو autres, tous ils ont de l'égarement في هذا الباب. Anta, si tu connais ta aqida, tu verras. Bi idhnillahi azza wa jalla, tu comprendras très vite pourquoi ou c'est quoi la cause de l'égarement de tel groupe ou de telle personne. C'est une ni'ma azima. As-salaf y donnait beaucoup d'importance à ça. Et nous, on vit à une époque où as-sawarif kathira. Il y a beaucoup d'obstacles qui nous écartent de cet apprentissage. Et si on n'apprend pas, on aura du mal à mettre en application. Comment on va appliquer une chose qu'on ignore? Donc, maintenant, on parle de la base, l'apprentissage. Il y a beaucoup de sawarif. Wa min ahammiha, c'est ad-dunya. Celui qui pense qu'à dunya, qui a des projets que fit dunya et qui ne donne pas de temps à hada, wallahi, rubbama, il aura pas, il trouvera pas une minute. On parle pas, nous, d'un livre, ou d'un voyage, ou d'une étude, ou de la mémorisation. Là, wallahi, wa'aduhum, une minute, s'asseoir et lire, ou écouter, ma yastatiya. Tanabbahu, on n'a pas dit qu'il n'a pas le temps. Là, tout le monde a le temps. Tout le monde a le temps. Tu prends celui qui a le plus d'occupations dans le monde, il a du temps. Il trouve bien du temps pour manger, pour boire, pour dormir. Okay, il ne va pas trouver du temps pour hada. Tout le monde a du temps. Lakin at-tawfiq c'est min Allah. Celui qui occupe son cœur avec autre chose, Allah la yuwaffiqo. Même quand il a du temps libre, il ne peut pas. Tourner la page, hakada, c'est athqal min al-jabal pour lui. C'est aussi lourd qu'une montagne. Ma yastatiya. Thumma le cœur, iyadam billah, à cause de l'insouciance, à cause de dunya, à cause de l'écartement du ilm, arrivé à un stade, il ne pense même plus à hada. Ahyanan, il a du temps, il est assis, Obama le livre, il est en face de lui, et ça rentre même pas dans son cœur de faire un effort fi hada. C'est pour ça qu'on a vu ni'matin azim. Cette ni'ma, elle vaut hadhihi dunya wa ma fiha. Pour celui qui médite, pour celui qui connaît l'importance de hada al-bab al-azim. Et ensemble, walillahi alhamd, aw ma'a ghayrikum nasit, on avait plusieurs fois cité l'importance de al-aqid al-sahiha. Et on avait fait des بعض الكلمات في هذا ومن انفع المختصرات في هذا الباب وافضلها c'est هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب الواسطيه للامام شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيميه رحمه الله عليه une رساله مختصره très très résumé quelques pages. Le livre qu'on a, nous, c'est le Sharh. Même le Sharh, c'est quelques pages. Le Sharh de Cheikh Saadi, c'est une centaine de pages. Naam, 125 pages, bidhabt. 125 pages, il a expliqué, rahmatullah alayhi, Cheikh Saadi, هذا المعتقد الجميل. Amma al-wasiti, il y a le matn. Enfin, c'est quelques pages, une vingtaine de pages. Ou aqal, ou akthar. هذا المتن, qu'on a choisi d'étudier ensemble, ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد هذا المتن إلى une منزلة عظيمة عند العلماء وعند طلبة العلم. Cette petite رسالة الواسطية petite en من حيث الحجم أي la taille وإلا فهي عظيمة جدا. Elle a une très très grande place عند العلماء et كذلك عند طلبة العلم. Et là, avant de commencer la lecture, on نقرأ بعض الفوائد certaines فوائد المتعلقة بهذا المتن. أولا سبب تسميتها بالواسطية. Pourquoi ils ont appelé ce متن, cette croyance résumée que Cheikh l'Islam il a écrite plutôt الواسطية. Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, lui-même, il a répondu كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث, le troisième volume de الفتاوى, قال رحمه الله كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط. واسط في الشام. C'est une ville jusqu'à aujourd'hui, elle est connue, واسط. بعض قضاة نواحيها. Donc, des hommes, ils sont venus voir Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, min wasit. C'était بعض القضاه, et des juges. ومنهم قال شيخ يقال له رضا الدين الواسطي من أصحاب الشافعي. أي, c'était un شافعي المذهب, il suivait le madhab de l'imam الشافعي, rahmatullah, cet homme. قدم علينا حاجا. أي, ils sont partis de wasit, de leur ville, pour faire le hajj. أي, aller à Mecca. Et sur la route, ils sont partis voir Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi. Wa kana min ahli al-khayr wa ad-din. Et cet homme qui a demandé à Cheikh l'Islam cette question qu'on va lire, inshallah, qala wa shakka man nas fihi bi tilka al-bilad. Et ça montre ou ça explique pourquoi Cheikh l'Islam il a qualifié cet homme annahu il est min ahli al-khayr. Il était touché par le mal qu'il y avait à leur époque. Wa shakka man nas fihi bi tilka al-bilad. Et il s'est plaint de la situation de son qom, Ahl al-Wasit, à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il lui a raconté anna an-nas ils font kadha, leur croyance c'est kadha. Ça montre al-khayr. Celui qui n'est pas touché, enfin qu'il vérifie son cœur, toutes ces munkarat l'an, toutes ces bid'a, khassatan al-inhiraf fi al-aqida. بدعه الجهميه بدعه المعتزله بدعه الاشاعره بدعه الرافضه بدعه الخوارج toutes ces bid'a qui sont liées à la croyance bid'at al-murji'a si l'insan il est pas touché va ça montre annahu il a des manquements et ça montre كذلك que son cœur il est occupé لان c'est quoi qui est touché c'est le cœur cet homme personne l'a frappé il a pas reçu de coup ولا شيء من هذا لا لكن il ressentait une douleur dans son cœur. Pourquoi? لأنه son cœur il était vivant rahmatullah alayhi. فلهذا قال شيخ الإسلام من أهل الخير والدين. أن نستفيد من هذا نحن أن si on n'est pas touché, on a un problème. Il y a quelque chose qui empêche. C'est que le cœur il est, il y a plus de place pour qu'il soit touché. Il est occupé par autre chose. Il est occupé par dunya. Il est occupé par le sport. Il est occupé par le travail. Il est occupé par le projet, par les projets. Il est occupé par الأهل والأولاد فقط toutes ces choses الإنسان est en firafla منكرات حوله ربما ça ne le fait pas bouger son cœur. هذه المنكرات ça doit nous pousser نحن à certaines choses pas comme ils font أهل الأهواء أهل الحماس وأهل الطيش أنهم ينكرون avec شدة ou بعضهم plus grave عيدا بالله ils font des attentats ou des tueries tout ça c'est من الإنحراف et هؤلاء ils se sont égarés fi bab al-aqida. C'est ça qui les pousse à faire ça. Amma nahnu ahlus sunna abadan. Si on voit ce munkar, ça doit nous pousser à agir comme cet homme. On demande à ahlul ilm. Et كذلك on fait des causes pour apprendre, pour enlever ce munkar avec ilm. Falihada qala wa shaka man nas fihi bi tilka al-bilad wa fi dawlat at-tatar wa fi dawlat at-tatar min ghalabat al-jahl wa adh-dhulm wa durus ad-din. Et dans cette contrée, il y avait les Tatars, al-Mujrimoun, al-Zalama, et ghalaba alayhim, et l'ignorance, elle s'est beaucoup propagée. Hatta ad-din wal-ilm, dans certains endroits, c'était très faible. Qala wa sa'alani, hada kalam toujours, Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, wa sa'alani, et cet homme, après lui avoir décrit la situation, il a demandé an aktub lahu aqidatan takun umdatan lahu wa li ahli baytih. Cet homme il a demandé, ça montre annahu il était min ahli al-khayr. Il a demandé à Cheikhul Islam, écris-moi une aqida, et résume-moi la croyance des salafs en quelques pages pour moi et ma famille. Ça montre an qasdahu c'était de se protéger lui-même, de se préserver lui et sa famille. Ça nous montre akhil karim anna ta famille tu la protégeras avec هذا المعتقد. Pourquoi on fait d'énormes efforts في الدنيا? Pourquoi? La plupart, c'est pourquoi? C'est pour mettre ses enfants à l'aise. C'est pour mettre ses enfants à l'abri, pour que ses enfants ne demandent pas aux autres. Et ils n'ont aucun besoin. هذا c'est طيب tant que ça ne dépasse pas les limites. Lakin pense à tes enfants. هذا الباب العظيم. Est-ce que tu leur as donné quelque chose في العقيدة? Et لا تخف. Ne crains pas pour tes enfants. Tes enfants, ils mangeront. Ils dormiront comme tout le monde. Bal rubbama plus que certains. Ne crains pas. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la akhsha alaykum al-faqr. Innama akhsha alaykum an tufta alaykum abwab ad-dunya ou comme a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il craignait pas pour nous la pauvreté. Alhamdulillah, là notre groupe on mange, on boit, on dort comme tout le monde. Ce que les autres ils mangent, on le mange. Les autres, ils s'habillent, on s'habille, alhamdoulilah. Il n'est pas là le problème. Lakin, toi-même et tes enfants, est-ce que tu as déjà pensé à préserver leur cœur? Le cœur, tu ne pourras pas le préserver avec le travail. Abadan. Ou avec les études. Abadan, bel wallahi, on vient à une époque, on a certaines études, c'est une cause pour égarer le cœur de ton enfant. Ou certains emplois, c'est une cause pour égarer ton enfant. Ne crois pas que c'est ça qui va sauver ton enfant. Ceux qui pensent que cela, ça va sauver leurs enfants, c'est qui? C'est Ashab al-Dunya. Vu qu'ils pensent qu'à Dunya, ils pensent que si son enfant, il a Dunya, il sera préservé. C'est pas comme ça. لا يتأمل حال هذا الرجل cet homme qui a demandé à Cheikh al-Islam قال on répète أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته une عمدة أي un أصل une base un fondement pour lui et sa famille une عقيدة cet homme il a compris que ce qui sauvera sa famille et lui-même c'est ce din لهذا il en a profité En allant au Hajj, ça montre qu'il avait de la inaya bidine. Et son intention c'était faire le Hajj. Et en même temps, sur la route, il en a profité. Ils ont été visités à l'imam Noutaymi, rahmatullah alayhi, et il lui a demandé Hada su'al, hada talab. Pourquoi Kathir n'en pense pas à hada? Parce qu'on est occupé par autre chose. On revient, c'est le cœur. Nahnu, on vit à une époque où, walillahi alhamd, il était dans un endroit, cet homme, et il n'avait pas un mukhtasar fil aqida. Ils n'avaient pas. Imma, il ne connaissait pas. Imma, c'était des livres d'égarés. Muhim. Il a demandé à Cheikh l'Islam, il n'avait rien. Aujourd'hui, walillahi alhamd, tu as la loi, c'était qui est imprimé en plusieurs éditions, comme min shuruh, des explications de savants. Tu as en audio, tu as à l'écrit, tu as des doros, tu as en plusieurs langues, arabe, non arabe. Malgré cela, beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître cette aqida. Pourquoi? Le cœur, on revient toujours au cœur. Si le cœur il est malade, wallah, il est devant lui. Devant lui. Ils sont assis chez eux. Ils ont une nusra de l'ouassatiyya. Khasatan al-hujjaj. Al-mamlaka al-arabiya al-sa'udiyya, bilad al-tawhid wa... Al-Aqida, Al-Sahiha, ils ont propagé hadith Al-Aqida, jiddan, au Hujjaj, à ceux qui font le Hajj. Et tu la trouves cette risala, un kathir min al-nas. Lakin, ils ne connaissent pas l'importance. C'est un livret parmi les petits livrets qui est dans une bibliothèque, dans une armoire, et ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas que, fil haqiqa, ils ont un kunz, min kunuz al-ilm, un trésor parmi les trésors de notre din, cette Aqida mukhtasara. Lakin, comme taqaddam, celui qui ne connaît pas la valeur d'une chose, il ne donne pas de valeur à cette chose. Thumma qal, rahimahullah, qala fasta'faytu min dhalik, wa qultu qad kataba an-nasu 'aqa'id muta'addida, fakhudh ba'd 'aqa'id a'immati as-sunnah. Hada tastafid minhu plusieurs fawa'id. Awalan, Sheikh al-Islam rahimahullah i'tadhar. Il lui a dit anna Il y a des autres livres. Tu peux profiter de tel livre, tel livre, tel livre. Beaucoup de gens, ils ont écrit l'aqida avant Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi. Et tastafid min hada, bien sûr, tawadu' al-Sheikh, rahimahullah. La modestie. Annahu. Et hakada nahnu, on doit essayer d'être, ne pas se mettre d'aïman en avant, belle, ne pas se mettre en avant du tout. Les savants de la sunna, les imams des salaf, ils ont fait beaucoup d'efforts. Enfin, quand Wahid te demande quelque chose, dirige les gens vers les savants de la sunna. Lakin hada, il faut du sidq, il faut du ikhlas, et il faut connaître cette aqida. Cheikh al-Islam, c'est un imam fi hada al-bab. Fakhud ba'd aqaid a'immat as-sunna. Il lui a dit, prends des livres des savants de la sunna, ils ont écrit fi l'aqida. Fa'alaha fi su'al. L'homme, il a insisté. Qala ma uhib illa aqidatan taktubuha ant. Il lui a dit, Anna, je veux une aqida, tu me résumes, c'est toi qui l'écris. Il aimait Cheikh l'Islam, il connaissait son niveau, il a akhira. Donc il a insisté. Cheikh l'Islam, rahimahullah, قال, فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. Cette aqida, الآن, العظيمة qui est propagée partout, والله سبحانه وتعالى نفع بها جدا. Cheikh l'Islam, il l'a écrit après العصر. C'est une réponse d'une question. Une réponse d'une question. Rahmatullah alayhi. Et fil haqiqa, tout ça, c'est dans son cœur, c'était du par cœur. Lakin, il lui a mis sur papier l'imada, l'annahu, il lui a demandé. Ça, ça nous montre mada. Ça nous montre, akhil karim, la tahtaqir al-khayr. Ne pense pas que ce que tu vas faire, ça n'a aucune importance. Comme min a'imma, comme min al-nas, ils ont écrit des aqa'id, et elles ne se sont pas propagées autant que celles de Cheikhul Islam. Ça, ça te montre quoi, annahu? Ne pense pas que ce que tu vas faire, ça n'a aucun poids. Rubbama Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqak. Tatlub l'ilm. Lakin, bien sûr, tout ça, on n'ouvre pas les portes à n'importe qui. Tout le monde parle, tout le monde écrit, tout le monde. Là, Cheikhul Islam, c'est un imam, min a'immat as-sunnah. Avant de parler, avant de se mettre en avant, avant d'écrire, fais des efforts, fais l'ilm. La preuve de cela, c'est quoi? C'est que Cheikhul Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, c'est un imam, bien sûr. Quand il lui a demandé, après l'Asr, il s'est écrit, et d'un coup, il lui a écrit cette aqida. Ça montre quoi? Ça montre l'ilm. Mets-toi à sa place, l'ananta wahad, il vient, il te demande, résume-moi l'aqida. Mais le musulman, il te demande, résume-moi, j'ai envie de connaître ma aqida. Et tu n'as pas de livre, tu n'as rien, il te dit, résume-moi, en 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, maintenant vous êtes en voyage, vous marchez, résume-moi. Vous dites que vous êtes des salafis, vous êtes à l'sunna, vous avez le haq. Résume-moi, là, je ne connais pas ça. Je veux connaître ma aqida. Si on ne peut pas, c'est qu'on doit faire des efforts. Haqiqa, celui qui a fait des efforts, fi hadal bab, il pourra lui résumer très simplement. S'il a appris l'aqida al-wasitiya madalan par cœur, falhamdulillah, tu n'as plus qu'à la réciter et tu lui montres bikalam mukhtasar. Si tu ne connais pas l'wasitiya, tu lui montreras un résumé très bénéfique, mais idnillahi azza wa jal, tu commences par l'iman billah, wal malaika, wal kutub, wal rusul, ila akhir. Très simplement, comme il a fait Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ça nous montre, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il met le baraka dans ce qu'il veut. Il a mis le baraka dans l'wasitiyya, il a mis de la baraka dans l'iqumiyya, il a mis de la baraka dans l'ajrumiyya, il a mis de la baraka dans kitab tawhid. Tous ces livres, c'est devenu des usul, des bases dans des matières précises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Enfin, fais des efforts. Tous ceux qui lisent هذا المعتقد et qui l'étudient et qui l'expliquent, qui le propagent, Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, il a une partie de la récompense. Après l'Asr, il a écrit cette liste-là. Allah alam, combien de temps ça lui a pris. Et ta'ammalu kam min ajr bi'idnillahi azza wa jal. Kadhalik, هذا, ça montre sidq. Sidq sahib al-kitab. Wa la nuzakki ala Allahi ahada. Lakin en général, quand Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka dans un livre et que ce livre il est propagé, c'est que celui qui l'a écrit, il était sincère. Et celui qui l'a écrit, il a écrit cette chose bi'ilm. Amma kalam al-ulama fi bayan fadl hadha al-mu'taqad al-mukhtasar, on peut citer la parole de l'imam al-Zahabi rahmatullah alayhi. Qala kama fi al-uqud الدرية رحمه الله ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد ثم وقع الاتفاق après شيخ الإسلام رحمة الله عليه après sa mort les imams de la sunna ils étaient unanimes jusqu'à aujourd'hui أن cette عقيده c'est la عقيده des سلف معتقد سلفي جيد ولله الحمد. أساس من توفيق الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. مع اختصارها quelques pages من توفيق الله عز وجل للإمام ابن تيمية رحمه الله أنه il a rassemblé tout ce que le mu'min il a besoin dans sa aqida, les fondements. Et minhuna, tu saisis, walillahi alhamd, l'importance d'étudier ce mu'taqad. L'unanimité des savants, annahu c'est l'aqida des salaf, et kadhalik, annaha, elle résume les principaux fondements de l'iman, de la croyance. Tastafid mada min hada nahnu. Dès qu'on lit ce genre de kalam, c'est pourquoi? C'est pour nous motiver à l'apprendre. Si tu l'apprends par cœur, tu as appris par cœur la croyance des salafs en résumé, selon l'unanimité des savants. C'est une ni'ma. Ni'ma azim. Si tu l'as comprise, tu l'étudies, tu l'as comprise, tu auras compris la base du din, la base de notre religion. Wallahi alhamd, c'est une ni'ma azima. C'est pour ça qu'on conseille nos frères de la prendre par cœur. Elle est très très simple. Une grosse partie, c'est des versets du Coran al-Karim. Et ça, c'est min mumayyizat hadha al-mu'taqad. Anna Cheikh l'Islam, rahmatullah alayh, il cite beaucoup de versets du Coran et beaucoup de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Fabi'idnillahi azza wa jal, dans la plupart des fondements et beaucoup de masail, tu auras un dalil min al-Quran ou min al-Sunnah. Mathalan, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage? Naam, il a un visage. C'est quoi le dalil? Tu le trouveras dans le wasitiyya. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai qu'il descend le dernier tiers de chaque nuit? Naam, tu trouveras un dalil. Est-ce que les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama et au paradis? Naam, tu trouveras un dalil. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a sifat al-sam' wal-basar wal-irada wal-ghadab wal-mahabbat? Beaucoup de sifat, tu trouveras des adillas très simples min al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fal-ijtihad fal-hifd. Walou, tu l'apprends en suivant le cours. Chaque dars, bi-idnillah azza wa jal, on va lire quelques lignes du matn. Sinon, on va lire l'explication de Cheikh Sa'di. Fait deux, trois lignes, alhamdulillah, tu as quelques jours, apprends. Apprends, ne laisse pas shaitan rentrer min hadha al-bab, ce n'est pas pour toi. Et kadalik, ne laisse pas shaitan ouvrir une autre porte, te faire croire en al-wasitiyya, là c'est trop grand. C'est un livre de débutant, c'est un des premiers livres de l'aqid. Ben, beaucoup de savants, ils le conseillent comme premier livre. Même, elles mettent avec un charh très simple, c'est un livre de débutant. Fais attention, Ba'd al-Kusala, vu qu'eux, ils n'arrivent pas, et vu qu'eux, c'est très très loin, s'ils entendent un wahid, ils apprennent al-wasitiyya, qu'annahu, ils commencent à apprendre majmou' al-fatawa. عندهم tellement qu'ils sont بعيد عن هذا. Là, l'importance de fréquenter talabat al-ilm al-akhyar. Ils vont te motiver بإذن الله عز وجل. On se motive et on l'apprend tous. لا يتخلف أحد. Chacun à son niveau. Celui qui arrive en quelques jours, celui qui arrive en quelques semaines, celui qui arrive en un mois, deux mois, celui qui arrive avant la fin du livre, après, seul. Seul, ou une, deux lignes par jour, une page par jour, alhamdulillah, tu seras ala khayr. Wa qala al-allama Muhammad Khalil Harras, rahmatullah alayhi, wa lahu sharhun jamil, il a un sharh, il a expliqué cette aqida. Qala fi sharhihi, min ajma' ma kutiba fi aqidati ahli sunnati wal jama'a ma akhtisariha fi lafd, wa diqqa fi al-ibara. Min ajma', c'est parmi les résumés de l'aqida de Ahl al-Sunnah qui a rassemblé le plus de masail et de fondements. Cette risala al-wasitiyya. Wa Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala qala fi sharhihi wa amma hadhihi al-aqida al-wasitiyya fa hiya mukhtasara mufida jami'a. Mukhtasara, c'est un résumé, mufida bien sûr très bénéfique, jami'a ma ikhtisariha li jami'a. Elle englobe la plupart des masaïls. C'est pour ça que si tu as compris hadhihi al-aqida et tu la connais par cœur, tu auras une base dans la croyance. Et les six piliers de l'iman. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadr khayrihi wa sharri. C'est six fondements. C'est ça le wasitiyya, il expliquait les six fondements. Et c'est ça l'iman, c'est ça la croyance. Thumma, tous les livres que tu étudieras après ou que tu liras, ça sera pour détailler cette aqida que tu as appris et que tu as étudié. Tu liras مثلاً التدموريه, fa tu vas détailler le premier asl al-iman billah, khassatan al-asma wa sifat. Tu liras al-hamawiyya nafs al-shay, tu liras sharh al-tahawiyya, ça sera plus vaste que al-wasitiyya. Wa hakadha nabda tukallim. Aqidat as-salaf yarhamukallah, al-iqtisad fi al-i'tiqad qu'on a vu ensemble, ça ressemble à al-wasitiyya wa hakadha. C'est ça l'ilm. C'est d'avoir une base, summa. Ce fondement, tu construis dessus. Tu vas rajouter certaines choses, tu vas embellir certaines choses, tu vas détailler certaines choses. C'est ça l'ilm. Qala rahimahullah, la a'lam. Toujours kalam Cheikh Ibn Baz. La a'lam laha nadhiran fima allafahu nas. Ça, c'est kalam. Imam min a'immatil muslimin. Il a dit, je ne connais pas une risala équivalente à al-wasitiyya. قال لا أعلم لها نظيرا فيما ألفه الناس لاختصارها وجمعها لعقيدة السلف. لا شك أن بعض كتب السلف فيها خير كثير دي لكن ست رسالة elle est مختصرة, elle est très résumée. Et كذلك فيها فوائد كثيرة. فمن المختصرات في العقيدة من أنفعها وأفضلها c'est هذا المعتقد الواسطية de شيخ الإسلام. Et كذلك الاقتصاد qu'on a étudié ensemble. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه certains passages كأنه استفاد من الاقتصاد certains passages خاصة في الاستواء comme on avait cité. Et كذلك un autre متن qui est مهم متن الطحاوية de l'imam الطحاوي. فمثل هذه الرسائل طيبة جدا. السني on dit même pas طالب العلم فقط, لا même العامي من أهل السنة il doit donner ولو قليل من وقته. لأن نحن quand on ensemble quand on lit la parole des savants et on conseille pour l'ilm والله الحمد, on sait très bien que c'est pas tout le monde qui va étudier l'ilm, c'est pas tout le monde qui va passer ses journées à étudier l'ilm. Là bien sûr que on a besoin de frères qui travaillent, on a besoin de frères qui font telle chose. هذا c'est comme ça مجتمع. Tu trouveras jamais une communauté il y a que des savants, c'est pas possible. Une communauté il y a que des étudiants, c'est pas possible. هذا لكن celui qui veut le khair qui essaie de faire partie de talabat al-ilm ou des ulama, c'est le plus haut niveau. Celui qui ne peut pas, il a des faiblesses, il a akhiré, aqal shay, c'est qu'il donne une partie de son temps. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, au moins essaye samedi une heure, dimanche une heure, samedi une demi-heure, dimanche une demi-heure. Wallahi, c'est mieux que rien. Celui qui fait hakada, مثلاً يسوي avec nous les دروس, on parle pour les non-arabophones, ou illa les arabophones, on les conseille d'écouter دروس أهل العلم directement. Amma par exemple les non-arabophones, ils suivent avec nous. Ou alors il fait les دروس le week-end, on dit il travaille, on dit il peut pas, on dit c'est trop, on dit il est fatigué. Ou alors le week-end, un درس samedi, un درس dimanche. وربما نحن cette rissa-là, on va l'étudier en 25 cours à peu près, entre 20 et 30 cours on va dire. Si on dit 25 cours, 2 cours par semaine, ça va très très vite. 12 semaines, s'il fait 2 cours, 12 semaines, il a fini. 12 semaines, c'est quoi? C'est pas grand-chose, 12 semaines. 3 mois, 4 mois, il a fini l'étude de cette aqida. Pourquoi pendant des années, certains, ils n'ont jamais étudié cette aqida? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et هذا العلم, pour avancer, il faut t'imposer, akhil karim. C'est comme le travail. Le travail, tu n'as pas le choix. Le travail, tu dois commencer à 8h, tu vas à 8h. Le travail, c'est du lundi au vendredi, tu vas du lundi au vendredi, tu vas pas quand tu veux, tu sors pas quand tu veux. هذا العلم essaye de faire la même chose. En fait, العلم, c'est incomparable avec le travail. Donc, العلم, normalement, doit être encore plus assidu. العلم, mets-toi des heures précises. مثلا, le samedi, je travaille pas, tu donnes un وقت à ta famille, à tes enfants, un وقت à Obama, tu dois acheter certaines choses. ثم un وقت au علم. Maintenant, le samedi, entre le Maghrib et l'Isha, je ne fréquente personne. Le téléphone, il est éteint. Illa bi daroura. Et j'ai mon programme. Et je fais mon dars. Entre le Maghrib et l'Isha. Le dimanche, neuf séché. Thumma, lundi, mardi, tu vas t'occuper de dunya, tu vas t'occuper de certaines choses. Ça, c'est le minimum. Amma, même si cela, on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que dunya, elle a pris toute la place. Et c'est une fitna. قال صلى الله عليه وسلم لكل فتنة لكل أمة فتنة شك أمة على يوسف فتنة من بني إسرائيل وغيرهم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال شك كوميونيتي على يوسف فتنة et la fitna de cette communauté et du prophète صلى الله عليه وسلم c'est le mal, c'est l'argent. Donc on fait attention, cet argent tu vas pas l'emmener avec toi في قبرك. Cet argent, quand tu vas mourir, l'heure suivante, la journée suivante, la semaine suivante, ton argent, ils vont la partager. Très très vite. Personne ne va te l'emmener dans ta tombe. Et même si tu l'emmènes, ça ne te sera d'aucune utilité. La première chose que tu vas être interrogé, pour répondre, ça sera très très utile. C'est qui Allah? Allah, il a des noms, il a des attributs. Tout ça, tu l'étudieras dans l'aqid. فهذا بعض كلام أهل العلم pour montrer la valeur et l'importance de hadhihi al-aqida. Amma al-shuruh, et on finit avec hadha, les explications, fa kathira. On a choisi d'étudier ensemble l'explication de Sheikh al-Allama Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayh. On a déjà étudié beaucoup de ces livres ensemble et on essaye d'étudier le maximum les livres de Sheikh Sa'di alayhi rahmatullah, tayyiba pour talabat al-ilm. Limadha li'annaha mukhtasara. Vous avez remarqué que tous les livres qu'on a étudiés de lui alayhi rahmatullah, c'est l'ikhtisar. Et l'ikhtisar, c'est mufid. C'est très très résumé. Et son kalam, il est qawi jiddan. Et ya'tani bil adilla. Son objectif, c'est de citer les preuves. Falihala, on essaye d'étudier beaucoup de certains de ses livres et on a choisi son sharh, il est mufid jiddan. Kadhalik min ash-shuruh wa min ahsaniha, c'est hadha ash-sharh at-tanbihat as-saniya 'ala al-'aqidati al-wasitiyya lil-'allama Abd al-Aziz ibn Nasir ar-Rashid alayhi rahmatullah. Il est mort sanat 848 en 1408. Il y a plus d'une trentaine d'années. Et son charh, il est tayyib. Limadha li'annahu istafada kathiran. La plupart, c'est des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam. Mathalan, cette page que j'ai ouverte, l'an, قال Ibn al-Qayyim, et il cite un long kalam min madarij al-Salikin. Thumma qal Cheikh al-Islam al-Taymiyya fi al-Ta'iyya, et il cite un vers de poésie min al-Ta'iyya. Wa hakada. Il cite des grands imams, surtout l'imam Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Islam. Ce livre, c'est la référence. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dhakara, et il a même informé annahu istafada min. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, pour son sharh, il a beaucoup profité de at-tanbihat as-saniyya. Kadhalik, sharh al-allama al-Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, c'est une référence. Et c'est min ajmal wa ahsan al-shuruh. Ils l'ont imprimé en un volume et il est mufid. Kadhalik min al-shuruhat. Et la plupart des savants, ils expliquent هذه العقيدة. Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Fawzan ou غيرهم, ils ont expliqué هذا المعتقد. Et هذا سطيب. أن celui qui veut avancer أكثر et qui a les moyens, fait qu'il achète ce genre de livre. Une explication simple sur Al-Wasitiyya. Enfin, si tu l'as apprise par cœur, ثم tu l'étudies bi tawfiq Allah azza wa jall. Thumma, tu la révises bien sûr, le par cœur, ça, la mémorisation, ça demande de la révision. Thumma, de temps en temps, tu lis un sharh, tu commences mathalan par Sheikh al-Fawzan, thumma Sheikh ibn Baz, thumma Sheikh ibn Uthaymeen wa hakadha, alayhim rahmatullah jami'an, satastafid jiddan. Et tu es considéré talib ilm par rapport à ton niveau. Ne pas croire que un talib ilm, c'est forcément واحد qui donne des cours, واحد qui écrit des livres. Là, chacun à son niveau. Talabat al-ilm yatafawatun. Il y en a, ils ont un haut niveau fil ilm, il y en a, ils ont un niveau moyen, il y en a, ils ont un petit niveau. Lakin, alhamdulillah, une partie de sa vie, c'est fil ilm. La'allahu, avec une bonne intention, yawm al-qiyama, il sera ressuscité avec ha'oula. Avec ha'oula, avec as-sahaba radiyallahu anhum, avec a'immatul muslimin. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. L'être humain, il sera avec celui qu'il aime le jour du jugement. Anas رضي الله عنه, quand il a rapporté ce hadith, il a dit أنه c'est un des hadiths qui les a rendus le plus heureux. C'est une bouchra azima. المرء مع من أحب, tu seras avec celui que tu aimes يوم القيامة. Si tu aimes العقيدة et tu as fait des efforts, tu seras avec أهل العقيدة السلفية السنية بإذن الله عز وجل. C'est pour ça que Anas رضي الله تعالى عنه قال وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. Il a dit j'aime le prophète عليه الصلاة والسلام, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. ثم il a démontré même si j'ai pas fait comme eux niveau œuvre, j'espère être avec eux يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Et à partir du prochain cours, et Inch'Allah, ça sera tous les mardis, tous les jeudis, et quand on pourra, les dimanches, on lira cette risala, l'explication de Cheikh Sa'di, At-Tanbihat Al-Latifa, et on essaiera كذلك de profiter de certains autres livres. Wa billah التوفيق